qu'on nous prend sous sourd'écran. Après avoir bien voté, nous n'aurons plus qu'à crever. Macron, c'est non, c'est non, Macron. Le partage des richesses n'est pas une faiblesse. Le partage des richesses n'est pas une faiblesse. C'est pour ça que dans les rues, on est tous redescendus. Macron, c'est non, c'est non, Macron. La capitalisation, c'est une régression. La capitalisation, c'est une régression. Le peuple que tu méprises ne lâchera pas la prise. Macron, c'est non, Macron. Réformer la société, ce n'est pas la brimer. Réformer la société, ce n'est pas la brimer. C'est permettre aux citoyens d'arranger son quotidien. Macron, c'est non, Macron. Et la solidarité, c'est la fraternité. Et la solidarité, c'est la fraternité. Car c'est notre bien commun de nous tenir tous la main. Macron, c'est non, c'est non.